Promets-moi de t'occuper d'elle, Cotin, demanda le comte de Forzheim, qui n'entendait rien et qui ne pensait qu'à sa belle-sœur. Sois tranquille, dit le ministre. Eh bien, merci et adieu. Venez, monsieur, dit-il à son frère. Le prince regarda d'un œil en apparence calme les deux frères, si différents d'attitude, de conformation et de caractère, le brave et le lâche, le voluptueux et le rigide, l'honnête et le concussionnaire, et il se dit « Ce lâche ne saura pas mourir, et mon pauvre Hulot, si probe, a la mort dans son sac, lui. » Il s'assit dans son fauteuil et reprit la lecture des dépêches d'Afrique par un mouvement qui peignait à la fois le sang-froid du capitaine et la pitié profonde que donne le spectacle des champs de bataille. Car il n'y a rien de plus humain en réalité que les militaires, si rudes en apparence, et à qui l'habitude de la guerre communique cet absolu glacial, si nécessaire sur les champs de bataille.